obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. J'en ai plus qu'assez. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. J'attends 2007. C'est mon seul espoir de sortir du brouillard. Écrire, mes chers frères, mes sœurs, mes brebis, c'est qu'aérélien, c'est qu'aérélienne. Merci madame. Oui, je continue. C'est mes lunettes. Oui. Alors, je continue. Écrire, mes bien chers frères. Hey, s'il vous plaît. Merci. C'est aussi ne pas parler. Hey, Gaétan, coupe-moi ça. On a 3 spectateurs pas capables de garder ça muet, c'est... Faites-leur manger quelque chose, de la chewing gums, de la swing. Mettez, placez de la swing dans la bouche. Oh, non, aux 3, placez-leur de la swing. Placez-leur de la swing, swing. 250 chics à l'heure. Tu verras que ça pue. Écrire. Ben oui, c'est de la chouette. Connaissez-vous ça, madame? Yes. Hey! Wow! Pas de chaos! Tranquillité! Silence! Je poursuis. Enfin, je continue. C'est la même chose! Bon, oui! Tranquille. Au pied. Fais la peine. Écrire. C'est qu'aérélien. C'est qu'aérélienne. Eh bien, cher frère. Wow! Écrire. Sors ta mitraille, ouais, c'est ça. Sors ton pistolet à eau. C'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. Citation de Marguerite Duras. Écrire, c'est lancer des mots loup poteau le long des poteaux, comme les petits chiots le font si bêtement. Non, ils font, non, les chiots et les chiens ne lancent pas des mots. Ils ne lèvent pas les mots, mais ils lèvent la patte. Il y a 3 heures du matin, certains auditeurs et auditrices se retrouvent, eux et elles, à quatre pattes. Devant les mêmes poteaux sur lesquels les chiens ont laissé évacuer quelques petites substances liquides. Ah non, pas de... Oui. Et... Et lentement, l'homme rendu quadrupède, non, c'est pas quatru, c'est à 3 rues d'ici. Vous tournez, Madame Bilodeau, à droite. Mais là, c'est un cul-de-sac. Comme tout ce qui est à droite, c'est un cul-de-sac. Alors, vous bifurquez, ça c'était une blague, hein, à droite, cul-de-sac. Vous bifurquez vers la gauche, lentement vers la gauche. Vous allez voir des sentiers extraordinaires, du gazon poussé à souhait. Qu'il ne faut pas fumer, madame. Non, vous êtes déjà prête. Ouais, non, parce qu'il faut récolter. Parce qu'en dessous de ce gazon-là se cachent des spripumatum. Pour les gens qui ne connaissent pas les spripumatum, connaissez-vous, madame, spripumatum? Miti, mita, mita, mitou, minou, non, non, minou, c'est moi, c'est minou. Oui, oui, OK. Après, merci. Minou, c'est moi. Hein? Spéto-minou, excuse-moi. Spéto-minou. En fait, c'est un coléoptère marin. Un coléoptère marin, oui, c'est marin. Mais que vous pouvez apprêter, je vous le conseille, là, de laisser macérer dans le vinaigre. 2 minutes. Parce que si vous le laissez plus longtemps, il risque d'être plus spongieux et sous la dent. C'est merveilleux. Bien sûr, il gigote encore un peu, mais les protéines sont à 100% extirpé de cette bête pour atteindre votre bouche et vos papilles gustatives. Yeah. Non, c'est bon. Arrêtez-vous, là, avec vos préjugés. C'est nouveau, c'est merveilleux. Essayez. Oh, mon. Je préfère mes petites carottes. Oui. Mes petits céleri. Oui. Puis mes petites patates cuites. Vos patates cuites? Patates cuites pilées. Pilées? Ah oui, purée. Purée. Monsieur le purée... Oui, exactement. Oui, je suis. C'est moi l'ancien servant de messe. Celui qui arrivait 2 heures avant, même 3 heures, pour prier, imaginez-vous. Histoire d'être vierge devant la Sainte Église. Vierge devant la Sainte Messe. Et vierge devant... Les paroissiens et paroissiennes, chiennes. Et c'est moi qui aussi passais la quête et ramassais les scènes. Hein? Chiennes. Et je me rappelle de M. Thibodeau qui n'avait pas amené un sou, qui avait placé dans le panier sa prothèse dentaire. Mais quand même, nous avons récupéré sa dent en or et on a pu refaire le clocher. Depuis ce temps-là, lorsque nous laissons émaner le son de cet illustre instrument, bon, il y a une genre de senteur buccale. Hein? C'est la bouche de M. Chose. Hein? Il n'était pas hygiénique. Non, c'est pas très... Ouais. On avait remarqué, hein, du blé d'Inde, c'est entre... Ouais, monsieur... Mais c'est quand même un homme extraordinaire, sans le savoir. Côté radin, il croyait s'en sortir, mais hey, quand il a retrouvé sa prothèse, il restait juste une dent. Les 15 autres avaient été enlevés. C'était en or. Oh, merveilleux. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Merci. J'ai mal au cou, hein? Aïe, oh, mal de goût, moi, là, c'est... Je dors souvent assis. Ouais. Ben là, c'est pas debout, hein? C'est comme... oui, les jambes reposées, mais les fesses sur le... Puis le dos dans le... Ah, ça donne mal au cou. Ben oui. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Hé, hey, la fin du mois de septembre! Ça s'en va! Comme les petits oiseaux vers le sud. Encore quelques semaines, puis il n'y en aura plus de pit-pit. Les pit-pit partiront. Hé, hey, t'as pu... Oui, attendez, madame. Les caracettes, caracos, caracettes, au vinisson. Il n'y en a pas un. Bon, on va prendre ça. Les caracettes, caraki. Non, il manque les guinding-guinding. J'ai planté les guéling-guéling. On va chercher ça pendant la pause. Monsieur, si vous voulez... Non, OK, d'accord, merci. Alors, aujourd'hui, le vendredi 28 septembre 2012, les errances présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Est-ce qu'on me voit la... Non, hein? Un petit manque d'éclairage ici. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, là... Manque d'éclairage, ça? Non, c'est plutôt à la télé. Non, oui, on est télévisuel, vous saviez, j'espère. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse. C'est pas une chanteuse. C'est une habilleuse. Clio Vérin. Clio niche sous les toits de Paris. Passe le plus clair de ses journées dans les théâtres, traînant un temps ses guêtres à l'école du cirque, prend souvent la ligne 13 en ce moment, déteste l'hiver, adore le camembert et cherche son Albert. Samuel Albert. Les caraquettes. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes pour trouver les... Où j'ai placé ça? Ah, oh, c'est dans l'armoire. Ah, oh, mon Dieu, on peut pas... Pas ça. Il n'y a pas des... Oui. Excusez-nous. Nous revenons. Hein? C'est de la radio comme anarchiste. OK. Je reviens. Parlez entre vous, s'il vous plaît. C'est le temps. OK. Alors, j'ai trouvé une boîte de comprimés. Non, c'est tout à fait légal, hein? C'est pour les maux de tête. OK, on y va? Sans moi. Et monsieur, il y a combien de comprimés là-dedans? Là? Ça sonne pas fort. C'est comme dans ma tête, hein? Il y en a pas beaucoup. Sans moi, donc, Albert, amène-moi voir des choses, sans moi, des enfants. Ah oui, tout seul, Albert. Juste un soir, Albert, au réservoir des anges, au bois du bain tranquille. Ah ouais, j'ai mis une fois. Et monsieur, ça vient de loin, hein? Avez-vous senti la voix? Une fois. Mais on faut pas profiter ça, ces caraquettes-là. Oh mon Seigneur! Ça met pas de l'ambiance, on dirait que ça endort la voix. Quoi que moi, ça... Alors donc, déteste l'hiver, adore le camembert, cherche son Albert, porte régulièrement une casquette de Julie James. Julie James, référence François Tifot. François Tifot, parce que quand Tifot, je le dis souvent à ça, hein? Oh, ça m'arrive. Je me répète pas. Porte régulièrement, on le dit ça, migre l'été venu au Festival d'Avignon, aime les rencontres improbables, la preuve... En juillet 2012, nous rencontrâmes, Zelles et Moises. Comment, la liaison? Zelles et moi. Oui, pas de S. Merci. N'aime pas trop parler d'elle. Oh, que c'est faux. Ben non, c'est presque vrai. C'est presque vrai. N'aime pas trop parler d'elle. OK, à la troisième personne. Oh, mon, du pluriel, hein? Troisième personne du pluriel. Elles vivèrent heureuses et cherchassent les garçons. En juillet 2012, Errance Rinaldienne se trouvait à Paris. En fait, là. Non, pas, prenez Gargoyle carte géographique. Là. Rentrez Errance Rinaldienne, vous allez trouver la... Oui. Non, c'est pas sur Terre, c'est certain. C'est entre Platon et Uranus. J'ai platé... Oui. Mon doute, j'ai platé ma thèse. Écoutez-moi. On dirait d'un feu de bout de la langue. Alors, de ça, j'ai platé ma thèse. Et le petit prince est à côté de moi. Mais sur l'autre planète, parce qu'on peut pas. Puis on discute ensemble quelquefois. Là. Et on se balance un ballon là, qui n'est pas réel. Donc, c'est un ballon... Imaginaire. Hey, t'es fort. Toi. Tu parles de l'émission. Hein? Ça lève-tu, cette émission-là, ce soir? Là, hein? Ça, c'est jamais vu. C'est la meilleure. La meilleure. De toutes les errances. Tu dis ça souvent? Ben oui, je m'encourage. Hein? J'essaie de me trouver... j'essaie de perdre le nord moi-même. Ah! Ferme ta boussole. Et Gaétan, est-ce que tu peux fermer? Ça se ferme pas, une boussole, là, madame? Ça peut se détruire, là, comme ça. Il y a boussole, oui, bien, ah oui, il va faire la boussole, il y a boussole, tiens. Oh, hey, ça monte le sud. On dirait le sud. En juillet 2012, c'était pourtant bien. Errance Rinaldienne se trouvait là avec Clio et tous ses amis. Comédien, comédienne, qu'elle relatait pour nous. Hé, hey, t'as glissé, hein? Oui, j'ai glissé sur le S. C'est sympathique, glisser sur le S. Ça m'encourage à continuer et à me dire qu'il y en a des pires que moi, mais sont enfermés à double tour. Et comme je le mentionnais dans un de mes textes favoris, qui n'a jamais été édité, parce que bien sûr, les gens de l'industrie veulent garder quand même leur notoriété, hein. Je disais barré à double amour. Oh, c'est merveilleux, merci. Is what my boss man say. Black cloud hanging over my head, down to my last spot. Oh, if an old black cloud hanging over my head, there ain't no such thing as good luck. Well, I earn my living by the sweat of my brow. I work so hard every day. Oh, with that old black cloud hanging over my head to drive my dreams away. And if it wasn't for the help of the one I love to tell my troubles to, there just ain't no telling what that old black cloud might drive this poor man to. Black cloud hanging over my head, down to my last spot. Oh, if an old black cloud hanging over my head, there ain't no such thing as good love. I'm gonna seed in the ground, gonna grow me a tree. This is what that black cloud done. They sent all the locusts to eat up the tree. I'm gonna put my brains in the sun. And one of these days when I'm laid away, I know that cloud can't wait. It's gonna hover over me on judgment day to keep me from the pearly gate. Black cloud hanging over my head, down to my last spot. Oh, if an old black cloud hanging over my head, there ain't no such thing as good love. Black cloud hanging over my head, down to my left. Je veux juste revenir à Barbara. Sur France Inter, ils font des images de Barbara tous les samedis. Ah, excellent. C'est pour l'été. Donc, la première, c'était hier. Tu peux les télécharger. Oui, mais c'est ce que je vais faire. Ah, ben, l'audio-diffusion. Ouais. Ouais, ben oui, parce que je bosse le samedi. Le mot. Et l'écouter quand tu veux. Donc, la première, c'était hier. Ça vaut la peine. Ah, j'adore. Incroyable. Du coup, on entend Arthur Ashe. On entend, malheureusement, Isabelle Boulay. Mais bon, ah oui. Elle chante une chanson devant moi. Elle essaie de chanter une chanson. Oh là là. Ah non, mais écoute. Puis... Mais non, mais c'est bien ce qu'elle fait, du coup. Bah, quand tu parles de Barbara, oui, mais quand tu connais. Quand elle chante. Non, non, quand aussi... tu connais l'original. Ouais, oui, ben oui. Ah ouais, non, mais, c'est dur les reprises. En même temps, quand tu dis vraiment. Que c'est une fille très très populiste à la Garou, je vois pas ce que Barbara a à faire dans son univers. Je crois que c'est juste l'opportunisme, en tout cas. On verra. Mais ça se peut, hein. Ça peut bien paraître. Oui, mais enfin, bon, elle peut aussi très bien aimer Barbara, elle a le droit. Mais... T'as pas l'impression que ça va. Ben, c'est parce qu'elle est loin de Barbara. Hein. Oui. Hein? On n'est pas, oui, on n'est pas dans le même univers. Hein? Ouais. Et surtout qu'elle ne joue pas d'instrument comparativement à Barbara. Ouais. L'écriture de ses chansons sont assez... Hein? Bon, on va s'arrêter là. Donc, on se comprend. On n'a pas besoin de... Alors, donc, tu ne te sentais pas à l'aise dans ce milieu-là? Non, pas du tout. Et puis, du coup, j'ai demandé un peu aux amis autour de moi. Enfin, j'avais quand même des amis dans le milieu du théâtre, du cinéma et tout. Qui? Ça. Des noms? Non, pas des noms connus. Okay. Vraiment juste des potes. Mais et, des acteurs ou des gens derrière? C'était plus des gens derrière. Okay. Il y en avait une qui était costumière. Donc je lui ai demandé comment elle avait fait pour devenir costumière, parce que je me suis dit, ouais, ça va bien me plaire et tout. Donc elle m'avait dit qu'elle avait fait une école et tout. Moi, je pouvais pas faire d'école de toute façon. J'avais besoin de gagner de l'argent. Et tu avais quel âge, là? Là, j'avais... Attends. Ah oui, j'ai fait l'école du cirque aussi chez Fratelli. Ah, ben il y en a une belle école chez nous au Québec. Ouais. Et beaucoup de... Ben, le cirque du soleil, ben, on vient chercher ça chez nous au Québec, à Québec. Ah, une école oui, de cirque soleil, réputée. Oui, évidemment. Une école de cirque très, très réputée. Ah. Donc, les trapézistes, les musiciens, les clowns de cirque vont là-bas, puis oui. En sorte... ouais, alors toi, tu étais dans le cirque. Non, ouais, moi j'ai fait un an... Un an d'école du cirque. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, tout sauf du trapèze. Ah oui, t'es agile? Je suis hyper laxe, heureusement, mais ça veut dire que je suis hyper souple. Oui. Mais sinon, je suis pas musclée ni rien. J'avais 27 ans quand je me suis retrouvée là-bas, le premier 27 jour. 27 ans, c'est quand même assez âgé. Bah ouais, mais j'étais pas la seule. Et puis bon, c'est eux qui m'avaient dit, mais il n'y a pas de problème. Il y a des groupes de niveau, il y a quatre groupes de niveau. Donc moi, évidemment, enfin, ils te font faire un ou deux petits tests, ils te mettent tout de suite dans les mauvais. Oui, oui, et puis non, mais après, c'est vachement intéressant. Tu vois des trucs absolument magnifiques, tu as l'impression d'être dans un film. C'est génial. Et les profs, c'était vraiment des vieux articles. Des vieux articles. Ça sentait le cirque. Babies from Manhattan were believing Harlem if they can. Yeah, man. Oh, yeah, man. When Hollywood goes black and tan, Louis Armstrong with his trumpet will be heading westward with his band. Yeah, man. Oh, yeah, man. When Hollywood goes black and tan, Harlem crooners with a swing will be singing at the studio. Makes no difference if you can't sing, just say, heed, heed, hide the hole. When they start to swing that rhythm, I'll be heading for that promised land. Yeah, man. Oh, yeah, man. Yeah, man. Oh, yeah, man. You won't find them wanging, bucking. Everybody will be trucking. It's gonna be grand when Hollywood goes black and tan. Those boys a helping hand. Yeah, man. Oh, yeah, man. When Hollywood goes black and tan, old Bob Howard made a promise to latch on to that baby grand. Yeah, man. Oh, yeah, man. When Hollywood goes black and tan, Step and Fetch is gonna sing and dance like Fred Astaire. Nina May don't have to sing, cause she can be petite like Anna Claire. Water's gonna do a fan dance and shake those feathers off a fan. Yeah, man. Oh, yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Here's good news and it's the newest. Braddock's going to meet Joe Louis. It's gonna be grand when Hollywood goes black and tan. 400 000 sous un ciel fauché. Aux limites de la ville, mon cœur a clenché. Les gros flashs apparaissent dans mon âme égarée. Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer une aiguille dans un vieux disque. Ouais, ben, y a eu ben du progrès, ben de l'asphalte, ainsi de suite. Je me demande qui je serai si je t'ai resté ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? J'étais juste plus capable de la voir avec un autre. Mais c'est tout oublié, j'suis redevenu un homme. Le petit cœur pomponné, sans mieux voir ses vieux chums. Salut les apaches, salut les crottés. Vous me trouvez le stache, oui je paye le party. J'entends la fonderie qui roche, pour ceux qui le savent pas. On y brûle la roche et des tonnes de bons gars. Les grandes cheminées, éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a pogné, j'suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meurs si tu veux vivre, mon ami. J'ai passé mon petit change dans le trou du téléphone. Sentiment étrange, je rejoins plus personne. A time flies, que je me dis, je m'en vais faire de mon best. J'ai marché dans la nuit en cherchant un orchestre. Je prends ma chambre à Capri, j'aboutis dans la même. Même brûlure sur le tapis, même vue sur la mine. Comment dormir dans un lit ou de baiser des anges? Je sens monter la folie, je descends dans le lounge. Dans la flamme d'un briquet, un visage intriguant. Ce gars-là le connaît. Bon Dieu, mais c'est Satan. Ah, long time no see. Il fait pas chaud là, Mazan. J'ai passé proche l'embrasser, à force que j'étais content. Il me dit la gang est splittée. C'est à rien qu'une époque. Sa valeur est tombée, comme le prix de la cope. Il me dit, ils sont toutes faites bostées, un après l'autre. À la fin, il est resté, oui, mon nom pis son côte. Les autres ont farmé le gueule, ils déclarent à l'impôt. Nouvelle clientèle et musique de robot. Quand les dents de tes high te défoncent l'intérieur, tu t'engages comme bétail, pas de malheur, pas de bonheur. Ils ont vendu l'amour bandé pour de la tendresse. Ils se sont enfermés dans la chambre de commerce. Il me dit, à cette heure, je suis quasiment tout seul à fournir à Plaza. Que c'est que le monde veut? Qu'est-ce que la loi veut pas? Elle peut venir me chercher pour me passer les menottes. 40 ans de liberté, de nos jours c'est une bonne cote. Y'a personne qui m'encule, j'ai gardé mes bons airs. Comment ça vaut ça? Calcul, j'suis déjà millionnaire. Il me dit, côté cœur, ben content, y'a du monde sur la ligne. Quand les chums sont en dents, moi je m'occupe des darlings. Tu te rappelles ton gros kick, la belle rose aimée. M'a t'en poussé une comique, moi pis elle s'est aidée. Quand il me dit ça, c'est rentré comme un clou, un couteau dans patate. La suture a tenu le coup. Well, let's drink to that. Le jour s'est levé sur Rouen avec des gros rayons d'or. J'ai jasé avec mon instinct et j'ai couché dans mon char. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes. Promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Aujourd'hui, parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands flots bleus. Là, les canons allemands grondent et leurs fusils sèment la mort. Et pour protéger notre monde, il faut aller risquer la mort. Vous, oh, ma mère chérie, pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. Mon père, mes frères, sœurs et amis, gardez un souvenir de moi. Parmi vous ici, les plus beaux séjours, mes amis. Mais si Dieu me garde la vie, je reverrai mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie, je pars pour un lointain séjour. Adieu, je ne reviendrai au pays où j'ai connu l'amour. Je verse les larmes de mon corps dans cette coupe qui te servira d'eau. Si un soir tu retrouves le dos, envoie-moi déjà ce beau-ci. Ce mot-ci, non, ce beau-ci. Beau-ci quoi? Mais beau, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ce beau-ci, oh! Ce beau-sillage que je creuse avec une chanson si piteuse. C'est pas celle de monsieur Colonna. Non, c'est pas lui, là, c'est la mienne. Oh, t'as peur des représailles? Oui. J'ai peur que mes amours me tuent, moi qui n'ai jamais retrouvé la rue. De l'amour et des bisous, mon béni d'un bison rabosé. Avec nous, je veux prendre du bâti. Non, c'est de la coopération intellectuelle. Entre le rien dit, oui. Le non dit, oui. Et si ça te le dit? Ben ça me le dit. OK, ça te le dit de continuer. Merci, monsieur. On est bien parti. Dans ça, le dit? Non, samedi, on est bien parti parce que nous sommes vendredi. Oui. Et ensuite? Ben c'est samedi. Samedi de dire samedi. Ben ça te le dit, j'espère. Merci. Oh ma chérie, dans cette ville qui n'est plus celle de nos amours, Mon cheval a une petite envie de te dire. Hey, c'est beau, ça! Des mots d'amour entre le cheval et ma... Entre le cheval et mon ancien amour. Hey, tu fais mieux ça, le cheval? Oui, mais ça noie le micro. Ben, vas-y, on va faire le dernier dialecte du cheval. On va fermer le coffret du CD parce que ça mouille. On y va. Oh. As-tu déjà été un cheval dans ta vie, toi? Dans ma troisième vie, j'ai été cheval, un cheval mal rayé. Ben, j'ai pas dit un zèbre, j'ai dit un cheval. Moi, c'est une chanson de Jacques Bebel, ça. Si t'as pas de connaissance générale, là, dis-la pas à tout le monde. Parce que les imbéciles se voient très souvent à leur lumière très, très peu lumineuse. Et monsieur, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne, lumière lumineuse, ben oui. Non, mais en même temps, là, je récapitule. Ah, tu as déjà de la difficulté à suivre le train en marche, point. Oui, mais c'est ça, faut pas marcher, faut courir. Le train roule. L'émission se déroule. Et toi, tu t'écroules. Sur l'asphalte des souvenirs. À travers les cailloux malchanceux qui te font hurler, qui te font crier. Aïe aïe, j'ai mal à mon cœur d'animal. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pit. C'est jamais bon signe lorsqu'il y a un silence de quelques secondes. On sent que le cerveau fonctionne fort, hein? Comme un cerveau pour fonctionner, il roule rapidement. Et oui, c'est ça, mais c'est ça que je voulais dire. Travaille fort, roule rapidement. Hey, vous, là, faites-vous partie des... comment tu les appelles, madame? On les appelle pas, ils viennent tout seuls. Oh, des puristes! Les puristes! Puristes! Puristes! Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'on fait avec des puristes? On leur purit la vie. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, nous marque parce qu'ils nous pourrissent la nôtre. Oh. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pire. Oui, monsieur. Ils s'en viennent. Bon. Dans quelle direction? Tout azimut. Hey, monsieur. Et lorsqu'on dit ils arrivent tout azimut, comment faire pour se protéger, là? Ils arrivent de partout, tout azimut, zimut. Zimut, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, en haut, en bas, du côté gauche, du côté droit, partout. Même si tu te caches, il va te trouver, lui. Parce qu'ils sont tout azimut. Ah, ça me fait peur. Ben beau avoir ton GPS allumé, là. Avoir ta lumière préparée pour les éblouir, mais ils viennent de partout. C'est comme les idées, ça coule, ça t'envahit, ça bondit, ça rampe, ça marche, ça court, ça tombe, ça trébuche, ça se casse la margoulette, et ça aussi, ça s'élève. Pas à cette émission aussi, là. Là, je parle des grandes émissions de CKRL. Ici, c'est les sous-bassements. Ben, on n'a pas peur de dire l'underground. L'underground, il n'est pas si grand que ça, l'underground. L'underground, là, il ne doit pas marcher très, très haut parce qu'il se fait mal à la tête. Les sous-bassements, là, ça nous donne très peu d'espace pour se diriger vers. Vers quoi? Ben, vers tout. Vers le tout azimut. L'explosion, l'implosion. Ah, mon Dieu! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, rénal de gagner. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles. Extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. En général... Ah, ma belle Gaétane, Ça, c'est pas dans la première phase. Là. Je vais ouvrir en disant ma belle Gaétane. Là, on enchaîne avec la phrase de Bukowski. OK, ça, c'est l'introduction théâtrale. Ah, c'est pas prévu. Non, c'est jamais prévu. C'est une improvisation. Ça fait peur. Ça fait très peur. Où on s'en va? Je sais pas. Non, c'est. Hey, Georgette. OK, on va dire. Hey, Georgette. Ben, dis ce que tu veux. Hey, c'est qui? C'est toi, voici. Hey, Pierrette. Non, on va dire. Hey, Clio, parce que c'est Clio, notre invité. OK. Hey, Clio. Il y a de l'écho, hein, Clio? Hé, hey, Clio, il y a de l'écho, en général! Marquis se mettait à jouer les nocturnes de Chopin au coucher du soleil. Là, au piano, c'est bien beau, hein? Mais les voisins n'aimaient pas. Moi, j'appréciais. Ça criait, hey, on veut dormir! Ouais, mais c'est le coucher du soleil. C'est pas le lever. Ouais, nous autres, on veut se coucher. Attendez quelques heures, là. Ça dure 1h53, les préludes de Chopin. Mais oui, mais les préludes, il faut arriver au but, là. Ouais, mais les femmes aiment ça, les préludes. Ça termine-tu, ça? Non, non, non, oui, dans 3h52. C'est un prélude de 3h52, là! Bon, une méchante introduction. En littérature, on t'a jamais appris que l'intro doit être plus concise que le corps de la lettre. Et la fermeture? La fermeture. Ben, et la conclusion? Ben, tu dois conclure. Excusez-moi, je me suis emporté. Tu dois conclure, diantre. Tu dois résumer ta pensée. Ben, j'en ai pas de pensée. Je regarde, pas besoin de le dire, là. À te regarder, on voit à travers ce regard flou absolument rien. On sent rien, on voit rien. C'est de l'absence d'imagination. C'est, oui, hein, vous avez senti que oui, ça n'a pas voulu. Non, ça veut pas souvent. Alors, c'est de l'absence d'imaginaire et d'intelligence. Heureusement que Chopin, lui, avait chopé par toute la dextérité de ses doigts la compréhension musicale. Lui, là, même une fausse note, c'était l'harmonie la plus séduisante du monde. Allô? Oui. Non, c'est parce que je voyais Chopin, moi, là, dans ma tête. Mais les gens ne savaient pas, là. Explique. Je n'ai pas expliqué. Hein. Dans le non-dit, on doit laisser aller. Ben oui, laisser aller quoi? Là, on s'est endormi 30 secondes. Ben, ça fait du bien. Hein? C'est vrai, hein? Ça nous regaillardit. Hey, merci, la vie. Alors, Chopin, c'est bien beau, là, les préludes au coucher du soleil, mais au lever, au lever, c'était du Gershwin. Joué à l'harmonica. T'as-tu l'harmonica? Non, mais je fais semblant. Mais non, c'est épouvantable de faire semblant de jouer de l'harmonica. Là. On peut oublier ça. Ben, tu parlais tout à l'heure d'imaginer. Là. On va se le voir dans la temps. On va se la. Oui, merci. Grand écran HD DVD. Surround Digital Dolby. M. Thibodeau, si vous avez quelques secondes à nous consacrer. Oui, à quel endroit on vous place ça? Entre les deux yeux. OK. Moi, j'aimerais avoir mon écran juste là. OK. Placez l'éclairage par derrière parce que moi, j'aime ça. Ça m'éclabouche. Dans la bouche et ça m'humidifie la langue. Et croyez-moi, c'est la langue de chez nous. La langue de chez nous, c'est nous qui la fredonne. La langue de chez nous, c'est nous qui la frelaton. Frelaton, frelaton. La langue de chez nous, frelaton, frelaton. La langue des colons. La langue des colons, c'est nous qui la rancadène. La langue des colons, c'est nous les gigodons. Gigodons, gigodons, la langue des colons. Quelques mois auparavant, il y avait Pierre Etex qui venait discuter avec ses potes sous le chapiteau, la cantine. C'est l'ambiance qui te plaît, c'est l'ambiance de la création. Ah non, mais c'est génial. La cantine, c'était une roulotte. C'était une roulotte. Okay. On bouffait des pâtes à la sauce tomate dans une roulotte. Mais c'était génial, quoi. Mais on ne faisait pas attention. à la nourriture pour des... Mais non, mais attends, tu rigoles, c'est super physique quand tu, ouais, bois, oui, quand tu fais... Oui, c'est ça, mais quand tu bouffes gras... Ouais, bah ouais, je sais, okay. j'avais un peu grossi. 5 heures de gym intense 4 jours par semaine. Toutes les novices, au bout de 2 mois, on avait chopé, tu sais, le muscle sur la cuisse, oui, des, oui, danseurs. Oui, oui, oui, oui. Parce qu'on fait de la danse aussi, ouais, là-bas. C'est quelque chose, la danse et moi. Mais toi, oui, c'est pas facile, hein. Mais, c'est pas mon truc. C'est ça, mais toi, ce qui te plaît, c'est surtout l'ambiance avec les potes pendant la bouffe, l'environnement. Non, mais non, pas spécialement. C'est surtout, c'était pas forcément mes potes, j'avais juste... Non, mais c'est l'univers qui te plaît. Oui, ouais, complètement. Enfin, je veux dire, voir des choses qui sont complètement... La magie. Ouais, complètement. Ouais, mais ouais. De toute façon, la magie, il y en a... Ouais, ça s'appelle ça magie, il y en a à peu près partout, quoi. Ça dépend de quel... Ouais, il faut que tu poses le regard. Ouais, voilà, c'est une question de regard. Mmh. Ouais, mais bon, je crois que j'ai pas de difficulté à poser un regard qui fait apparaître les choses comme étant magiques. Ok. C'est très clair. Oui, c'est très clair. La phrase, elle est un peu biscornue. Non, mais... Oui, c'est... mais non, c'est très bien, mais toi, c'est ça, t'es beaucoup plus féerique, Oui, je suis une rêveuse, pardon? Je suis une rêveuse. Une rêveuse, oui. Ouais, une grande rêveuse. Oui, et c'est quand même appréciable en 2012, puisqu'on essaie de tout briser les rêves. Mais en même temps, moi, si on brise les miens, je meurs. Je cultive mon univers. Cette magie-là. Mais non, mais je suis obligée, de toute façon. Sinon, je suis bien obligée d'avoir un rempart entre moi et la réalité, sinon c'est trop moche. Mm-hmm. Donc je sais très bien qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle la réalité. Je sais que c'est des trucs super moches. Moi, je préfère toujours avoir mon filtre pour pouvoir accepter les choses qui se passent. Ah, c'est beau. Mmh. Bah, je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Mmh. Donc c'est pas que je veux pas, je fais semblant de pas savoir. Tu sais qu'il y a de la misère, qu'il y a des SDF. Mais non, évidemment, mmh. évidemment. Mmh. Et que... Mais il faut les faire rêver aussi, ces gens-là. Oui. Donc, ça prend du théâtre vivant, du spectacle vivant. Ouais. Non, mais après, moi c'est le truc que j'ai mis en place pour me protéger, moi. Quoi. Mm-hmm. C'est un coussin, c'est un mur. C'est pas un mur, mais... Non, c'est comme un... Un nuage. Ouais, non, c'est comme une espèce de filtre. Ah oui, OK, ouais, c'est bien. Couleurs, c'est bien. Et par la suite, après le cirque, tu t'es infiltré tranquillement. Ben, après le cirque, justement, je suis retrouvée dans... Tu avais 26-27 ans. J'avais 27 quand j'ai commencé. Puis j'ai fait un an, et puis je me suis pété la cheville, je me suis fait une grosse entorse. Mais c'était plutôt un bon souvenir, finalement. Un bon souvenir? Ben, en fait, c'est parce que je faisais un saut de main. Je sais pas si, tu sais, tu cours, tu fais l'équilibre et tu retombes de l'autre côté. Oui. Et curieusement, en acrobatie, c'était un des seuls trucs que j'arrivais plus ou moins à faire. Okay. Et là, je me suis mal réceptionnée, ma cheville a craqué, tout le monde a entendu le craquement dans le chapiteau. Donc, le prof... Sacha Dubrovski, ça. Oh, okay. Il était russe. Oui, c'est bon, russe, le cirque. Oui, c'est... Il m'a déposé sur le bord de la piste et j'ai vu un garçon de mon groupe avec qui j'avais jamais parlé sortir en courant du chapiteau. Oh, c'est beau, un garçon surtout. Et revenir avec un tissu dans lequel il avait mis des glaçons pour mettre autour de ma cheville. Le tissu en question, c'était son t-shirt. Oh, c'est romantique. Ah, c'est vachement chevaleresque. Là, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Mais non, pas du tout, on n'a même jamais discuté après ça. Mais non, mais il y avait une ambiance entre les filles et les garçons, c'était vraiment joli. La solidarité. Ouais, non, c'était, enfin, tu vois, je veux dire, les garçons ne laissaient pas les filles porter toutes seules des trucs lourds. Tu vois, je veux dire, ils les aidaient parce que c'est plus costaud souvent, les garçons, physiquement. Dire après l'égalité des sexes. Puis ça s'est terminé là. Et ben en fait non, j'ai continué à y aller avec les garçons. Mais oui non, mais c'était juste pour dire l'ambiance et puis j'ai pu enfin dire une phrase que je rêvais depuis ma tendre enfance de dire quand les gens venaient me voir pour me demander si j'avais mal quand j'étais sur le bord de la piste avant que les pompiers viennent me chercher et tout ça. Je crois que d'ailleurs je suis pas... Vous c'est les pompiers, nous c'est les ambulanciers, c'est bizarre. Ah ouais. Mais non, mais d'ailleurs je crois que je suis rentrée en métro ou je sais pas comment. Et du coup, les gens venaient me demander « Mais est-ce que ça te fait mal ?» Et là, je pouvais leur dire « Non, seulement quand je rigole. » Tu sais, comme dans les westerns. Oui, John Wayne ne pourrait jamais dire ça autrement. Il ne peut pas souffrir, John Wayne. I'll wait for you. bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. With or without you, ah, I Cette semaine, hein? C'est nerveux. Ça vient tout seul. C'est des recherches. C'est pas vraiment ça. Ben c'est quoi, monsieur? Si vous croyez que ça vient d'ailleurs, ça, là. Vous voulez me dire qu'à travers tout ça, se cache rien? C'est pas vraiment ça. Ben, c'est pas vraiment ça. C'est tout à fait ça. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivons. Hey, ça, c'est des synonymes. Ça, oui, on peut appeler ça des synonymes, c'est mais... C'est pas vraiment ça. Mais ben, c'est quoi si c'est pas des synonymes, monsieur? C'est des antonymes maillets. C'est des maillets tout court. Les maillets, vous l'ont dit, décembre, c'est fini. Faut pas aller chercher plus loin. Terminé, tout le monde descend. C'est là que vous allez savoir que la Terre est plate. Ah, oh, c'est ennuyeux, c'est plat. Ah, oh, tout le monde va... C'est une pizza. Moi, je vais m'agripper sur le pepperoni. Tout le monde, là, risque de se tenir après le fromage. Puis bien sûr, ça dégouline, hein, le fromage. Ils vont tomber dans le gouffre. Ah, oh, oh, oh. Hein? Sa sauce... Non, on voit pas la... Non, la sauce, ça glisse. Comme le fromage, hein, ça peut nous abandonner facilement, surtout quand c'est chaud. Tandis que le pepperoni, il n'a qu'une seule fierté, le pepperoni, hein, c'est de demeurer sur la pizza. Et lorsque tu la coupes, ta pizza, le pepperoni résiste. La sauce, elle, bien sûr, se laisse glisser. C'est comme un lubrifiant, cette petite sauce tabac. Et le fromage, ben lui, il est insignifiant. Il se laisse tabasser. Il repasse. Parce qu'il résiste. Je me ferai pas couper, je me ferai pas. On va te couper, toi. Le plus corrosif, le véritable héros, c'est le pepperoni. Nous lèverons à bras de mot celui-ci, pas le pepperoni, mais le mot. Alors, c'est le mot qu'on va. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe procédure. Procédure. Hey, ça, c'est. On se sent devant l'avocat qui dit nous allons suivre les procédures, M. Gagné. Êtes-vous certain? Oui, oui. Vous êtes ici. Et c'est M. Gagné, M. le juge? Oui, oui. OK. Il a commis encore quelques énormités à son émission Errance canadienne? Oui, oui. Et c'est vous qui le protégez? Oui, oui. OK. C'est dans fondamentalement l'émission du mois de septembre, M. Gagné? Oui, oui. Ouais, tout s'est passé là pendant ouais, les 120 minutes... sur CKRL, le 89.1, monsieur le juge, 89.1. Ouais, ouais. Je le savais, parce que, je vais vous dire, on dirait que j'ai des racines qui me remontent, moi, là. Ça sauce tomate, OK, c'est ça, hein, c'est Rita, mais en moins, ça me remonte, moi, là, c'est l'indigestion bégue. PQ. Oh, mon Dieu, l'indigestion PQ. Êtes-vous de même, vous, monsieur? Oh, mon Dieu, Seigneur. Mais, monsieur Gagné, et votre homme? Oui. En tout cas. Et l'être étrange, là? Oui. OK. Alors, au mois de septembre, lors de son émission qui s'intitule « Errance rénaldienne », c'est bien ça, monsieur l'avocat? Oui, bon. Et nous soulevons ici, l'INEA 17, bon, OK, à minuit, non, 1h12, il lança cette phrase qui... L'injure ne se retrouve qu'à travers les estrades de la nomenclature juridique. C'est bien ça, monsieur le... Ça veut rien dire, ça. Qui le poursuit, monsieur, monsieur l'avocat? C'est qui? C'est sa femme, hein? Ben oui. C'est une sombre histoire d'amour. Ben voyons donc. Il n'est pas marqué, M. Gagné, hein? Oui! Voyons, c'est pas légitime, c'est illégitime, hein? Ah, ben c'est... hey, ça, c'est de l'anarchie jusqu'au bout, hein, monsieur? OK, toutes les auditrices se trouvent à être ses épouses. Ils sont pas chanceuses, ça? Mais est-ce qu'ils vont là, se diviser, bien sûr, tous ses avoirs? Hein? Ouais. Et madame de monsieur de ses... Oui! Ça fait combien du excusez-moi, je suis tout énervé. Ça fait combien du c'est des spasmes, monsieur le juge. Est-ce qu'on peut se reculer pour discuter? Reculer. Non, avancez-vous, merci. Non, mais... pouvons-nous reporter cette rencontre? Parce que mon client aimerait bien me dire quelque chose de privé. Ben, il n'y a rien de privé. Tout est public, hein? C'est ce que j'avais dit. Tout est public, rien n'est privé. Rien n'est caché. Avec Internet, rien n'est caché. Puis si tu crois faire partie... d'un milieu clandestin, il n'en est rien. On connaît les procédures. On va te la trouver, la cachette. On a les phrases clés. Cézanne, ouvre-toi. Suzanne, ouvre-toi. Gaétan, ouvre-toi. Simone, ouvre-toi. Régis, ferme-toi, s'il te plaît. Régis, ferme-toi. Régis, on va l'embaumer. Embaume-moi ça, Régis. Régis, arrête, tu nous mets dans... Nous sommes déjà assez endettés, Régis. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me le coudre? Ça, oui, c'est babines. Les babines d'en haut, les babines d'en bas, merci. Non, non, embaumez-le pas, là. Ben non. Ben voyons donc, il est encore vivant. Ben oui, ben, excellent. Fermez-moi ça égal. Ah, on dirait qu'il gigote, hein? Là, il tient bien le corps. On aime ça. Enchaîne-le pas, laisse-le tranquille. Bon, la bouche fermée, il dira rien, puis il nous coûtera pas cher. Alors, les procédures se suivent comme suivent, ils se suivent et ne se ressemblent pas. Dieu merci. Et le diable aussi. Devant l'intégrité de notre cher animateur étrange, bizarre oui. Nous allons arrêter ce soir les procédures, puisque la durée est déjà terminée. Ça devait être illimité, mais son cerveau l'est déjà assez comme ça. Hein? Non, non, mais c'est... Hein? OK, on va placer entre nos deux oreilles, doudou, didou, didou, didou. Qu'est-ce que tu dis, doudou, didon? De la musique, c'est tellement bon. Wow! Là, les gens vont se dire, est-ce que tu vas placer le mot procédure dans le grand château de symbolique de la francophonie? Oui! Came to me and booted me and bruised and hurt me. my time praying for a love that never comes from someone who does not exist. And that's how someone's tweeting. That's how people grow up. That's how people grow up. That's how people grow up. That's how people grow up. As for me, I'm okay. For now anyway. Faut pas souffrir, John Wayne. Mais tu sais que dans ses contrats, là, il refusait de se pencher. Hein? Tu verras jamais un film où John Wayne se penche. Non, pourquoi? Je crois que c'est un gars de droite et c'est... Ah oh oui, clairement. Ouais, et donc, c'est peut-être ça lui donne... pour laisser aucun message d'homosexualité. Oui, ça peut aller aussi loin que ça. Oh là là! Ah oui, ça peut être assez ah non, mais ça fait refouler, là, quand même. Oui, hein? Oui, mais c'est John Wayne. John Wayne, c'est pas un PD. John Wayne ne se pense jamais. John Wayne ne se voit jamais par en arrière. Non, John Wayne, c'est un gars droit. Oh là là! Et tu verras aussi dans... quel acteur français... qui veut pas se faire embrasser et tu verras jamais se faire embrasser. Ah non, c'est Dustin Hoffman. Ah bon? Ouais, c'est pas un français, Dustin Hoffman. Tu verras jamais une femme dans aucun de ses films embrasser Dustin Hoffman. C'est dans son contrat. Ah bon? Jamais. Même dans Rain Man, elle l'embrasse pas, la fille... comment elle s'appelle, cette actrice absolument ravissante? Ah ouais, celle elle qui l'embr... joue une chanson de Bob Dylan à poil. Je me rappelle. Non. Blow in the Wind. Ah non, ça c'est Forrest Gump. Oui, c'est Forrest Gump. Ah oui, c'est ça. Ok. Non, dans Rain Man, tu sais où il joue un autiste. Oui, avec Tom Cruise. Oui, et elle, c'est qui? C'est pas Valeria Golino? Sans doute, ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Oui, puis elle l'embrasse. Il me semble. Je suis pas sûre, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais peut-être que c'est juste sur la joue. Là. Il y a peut-être un contrat, pas sur la bouche, juste sur la joue. Enfin, c'est pas un baiser langoureux, en tout cas. Non, c'est lui, ça. Mais ouais, mais en tout cas, dans son contrat, c'est jamais embrassé. C'est sans doute sur la bouche. Et pour reparler de John Wayne, est-ce que tu connais un truc? Enfin, moi, c'est un ami sur Facebook qui me l'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Le Grand Détournement, la classe américaine. En fait, c'est... Tout ce titre-là pour un film? Oui, enfin, le Grand Détournement, je crois qu'il y a eu plusieurs trucs. Okay. Ça a été fait pour Canal+, dans les années 90, je crois que la classe américaine, ça date de 93. Et en fait, c'est le réalisateur qui a ensuite fait The Artist. Oui, ok, oui. Et avec une bande d'amis, ils ont pris des extraits de films, des westerns pour la plupart, mais pas seulement. Il y avait des films avec Dustin Hoffman, Newman, il y a John Wayne. C'est un hommage au cinéma, bref. Oui, en fait, il prend des morceaux et ils ont fait avec les voix de doublage. De l'époque. Ouais, enfin des acteurs qu'on entendait dans les séries, dans les films et tout ça. Ils en ont fait carrément une histoire. Alors parfois ils reprenaient des scènes en boucle. Mais c'est un truc, mais c'est à mourir de rire, quoi. Ah, mais c'est vachement bien. Il faut que tu regardes ça, je l'enverrai via Facebook. C'est le même réalisateur du film The Artist. Ouais, c'est Azanavicius. Ok, je vais regarder ça. Mais c'est vachement bien. Et donc John Wayne. Ah, je sais pas si je peux te le dire. Non, non, non, non, je vas-y, peux, vas-y. Pas te le dire. Non, non, non, mais son rôle, c'est George Abitbol, l'homme le plus classe du monde. Ok. Voilà. Et c'est John Wayne qui et fait. Et c'est John Wayne. Et dans un de ses films. Dans plein de ses films. Ok. Ah, ok, c'est un ramassis. Si, où ouais. John Wayne apparaît. Voilà, y a, mais il n'y a pas que John Wayne, il y a Dustin Hoffman, oui, je sais, y a mais on Red les voit Ford, des, y a... À des âges différents. Non, John Wayne, on le voit pas, on le voit pas jeune, on le voit, on okay. voit toujours vieux. Toujours vieux, ouais. Ouais. Bah, je l'ai rarement plus jeune. Non, non, non. Il devait être vieux quand il était jeune. Oui, chez nous, il y en a un qui était comme ça, Fernand Gignac, il n'a jamais été jeune. Il est né vieux, donc il y en a plein comme ça qui naissent vieux. Donc, c'est... Tu crois pas? Si. Oui, hein? Peut-être en France, il y en a un aussi qui... Je sais pas. Non, mais en France, je ne connais pas vraiment qui naissent vieux. Mais chez nous, peut-être c'est l'hiver qui nous vieillit. Je sais pas. Mais... Take me out. Night, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted a home because I haven't got one anymore. Take me out tonight. I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Ten-ton shark kills the both of us. I can see her. Don't leave it comatose, just a thing you won't forget. Don't leave it debonair, just a thing. Let's go Dutch. Just another flash wound, another scratch on your hide. Just another flash wound, another thorn in your side. Just another flash wound, another bruise on your pride. Just another flash wound, another paranoia that you hide. The other ladies told him that he was hitting on things. Nobody was controlling. The drum was paralyzed. And when the rope was tested, it didn't come undone. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi, aussi visuels, monsieur. Le saviez-vous, ça? Ben oui. Monsieur Tremblay, ben, ça va bien, oui. Merci, vous aussi, les enfants. Le moment, c'est... Les enfants, oui. Gaétane, oui. Elle est venue de... Bon, je le savais. Vous en faisiez pour rien. Ah, toujours, hein? C'est un papa gâteau. Non? Un papa biscuit? Non. J'ai entendu ça, papa biscuit? J'aime... Non, papa. Ah, oh, OK, oui, ben, biscuit dans le sang. Ah, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. On emprisonne point. Non, c'est écrit, non, c'est pas t'es écrit point. Là. J'ai lu que c'était pas écrit ça. Ben, allez-y, ben, j'y vais. C'est mentionné, on n'emprisonne pas les rénaldiens. Au même titre que on libère la vérité à travers la bouche des amants. Et lorsque les amants la fermeront la bouche, oh, okay. Nous aurons pour nous l'éternité, parce qu'on pourra un jour fabuler de ce silence amené par les enfants. Non, c'est les amants, monsieur. Suivez, c'est pas compliqué, là. C'est simple, là. C'est de l'improvisation 101. Ah, mon Dieu. C'est de la formation 101. Ah, c'est de l'enchaînement 101. Ah, mon Dieu. C'est la loi 101 qui s'en va chez le diable. Et on sait très bien ce que le diable fait ça avec. Avec quoi le diable manipule les chiffres. Ah, moi, c'est machiavélique. Ben oui, puis c'est certain, c'est machiavélique, c'est le diable. Ah. Qu'est-ce que fait le diable avec le 101? Il le lit autant à l'endroit qu'à l'envers. 101, 101, ça fait tout le temps 101, hein? À l'endroit, à l'envers, 101, 101, 101, 101. Ah, c'est facile! Oui, oui, mais pour lui aussi. Il met le feu au 101. Et de ses cendres, on peut lire et relire toujours le 101. Ah! C'est une direction infinie. Bien, certainement. Infini et toujours et constamment vivant. Pourquoi? Ben parce que c'est un chiffre magique. Ouais, chanceux. Chanceux, peut-être pas. C'est un chiffre qui rame. Rame, rame, rame. Donc, c'est un chiffre qui cherche son chemin. Oh! Qui cherche sa tête et sa queue. Ah, mon Dieu, c'est ni queue ni tête. Sans doute, il y a plus de tête que de queue. Et Dieu merci. Enfin, je sais pas, le diable est là-dessus. We'll be right back. ça. Oui, c'est ça. Ben, on va revenir à ton histoire. Tu t'es adonné à te retrouver grâce à des amis derrière. Oui, voilà. En fait, donc cette amie costumière, donc moi, j'ai donné ma démission et je ne sais pas si au Québec, c'est la même chose. On a un mois de préavis après, une fois qu'on a donné sa démission. Non, nous, ça peut être sur le champ où on ne se présente plus. Non. Là, non. Puis bon, je voulais faire le truc. Pour avoir un nom respectable. Et du coup, au bout de 3 jours, elle m'a téléphoné, comme elle travaillait au parc Astérix, comme costumière. Elle me disait, cherche des habilleuses. Donc, une amie à toi. Oui, voilà, okay. Voilà, qui était costumière. Et elle disait, cherche des habilleuses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que tu as travaillé avec moi pendant un court-métrage et tout. Donc, elle m'a expliqué quelques termes. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec la femme qui s'occupait des costumes, et puis un deuxième, et puis voilà, j'ai été embauchée là-dedans. Bon, c'est un peu le niveau zéro de l'habillage, mais en même temps, j'ai fait mes classes là-bas. J'ai bossé 6 mois, j'ai rencontré la moitié de gens absolument extraordinaires, gentils, adorables, et la moitié de fiefs et connards absolument dégueulasses et détestables. Mais bon, enfin, tu vois, donc du coup, ça a été une expérience plutôt positive. Une école. Voilà, bah de toute façon, il fallait bien que j'apprenne. Et puis bon, comme tu fais plein de spectacles à la suite, du coup, t'apprends, t'as des mécanismes. Tu as pris sur le tas. Voilà, complètement. Et ensuite, ben, pendant l'année qui a suivi, ben, j'ai pas trop cherché, enfin, j'ai pas trop retrouvé de boulot surtout. Et du coup, je me suis retrouvée à bosser chez Disney comme habilleuse aussi. Et c'était Mais tu habillais qui, Mickey Mouse Ouais, voilà, je m'occupais, enfin, ils m'avaient embauchée pour m'occuper d'un spectacle en tant qu'habilleuse. Et donc, alors là, il y avait du franglais à toutes les sauces. On était costuming. Quand les gens passaient, bonjour costuming, je dis non, c'est Clio. Okay. Je détestais, enfin, tu vois, je veux dire, j'étais malade. Enfin, tu vois, c'était un endroit horrible. Et puis, je déteste Disney. Aujourd'hui, oui. Là, ah, non, mais même avant, je détestais. Okay. À cause du côté hollywoodien. Ouais, non, le côté mièvre. Et puis en plus, là, tu vraiment... Tu peux fabriquer tout ce qui est préfabriqué. Ah ouais, non, j'aime vraiment pas, quoi. Mais c'est une école, comme tu dis. Ouais, non, c'est mais enfin, là, en tant qu'habilleuse, j'ai absolument rien appris. Et puis, en plus... Mais tu t'es fait un nom. On t'a vu, on t'a reconnu. Non, bien sûr que non. Non, ce qui a été profitable pour moi, c'est quand j'ai donné ma démission. Ah. Au bout de 6 mois, parce que c'était devenu insupportable. En plus, comme je faisais pas semblant de travailler quand j'avais pas de travail et que j'étais pas en train... Comment ça s'appelait? Un team leader, je crois. Okay. Un truc comme ça, qui s'appelait Rodrigo. Et il fallait être agréable avec lui et Mab, ou je sais pas trop quoi. Toutes les filles étaient là. Ah, nanana. Ben non, moi, quand j'avais fini mon boulot, j'allais dormir sur les canapés parce que je me levais super tôt. Quoi. Okay. Là-bas, chez ses cours. Bref, j'ai donné ma démission. Et pendant mon mois de préavis, là, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai envoyé mon CV à tous les théâtres de Paris. J'ai passé 50 coups de fil. J'ai eu que des réponses négatives et 15 jours après, j'ai eu une réponse positive et j'ai commencé à travailler dans des théâtres un petit peu, quelques heures par-ci, par-là. Privé ou public ? Non, en privé. Ok. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, parfois les crises, ça t'amène à un truc bon. Si j'étais pas tombée aussi bas, je me serais jamais démenée pour m'en sortir. Non, quoi. Voilà. J'aurais pas eu la force, quoi, parce que là, en plus, j'étais même pas intermittente, et puis t'es payée au SMIC. C'est le salaire minimum. Ok. Donc, enfin, tu vois, dès que t'es complètement déconsidérée, et habilleuse, c'est un métier, vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas juste une question de repassage ou de réparer un bouton, c'est... C'est aussi important que la maquilleuse, que la... Ouais, mais bien sûr. Et puis en plus, dans ces trucs-là, c'est pas la même chose. Mais en théâtre, tu dois être là pour les comédiens. T'es là pour être, qu'ils soient bien, t'essaies d'être agréable. Enfin, voilà, c'est un truc... C'est toi qui mènes la vie un peu. Ouais, enfin, tu peux mettre une ambiance sympa ou pas. Mmh. Mais c'est vachement important, quoi. We'll be right back. Jack Monoloy aimait une blanche. Jack Monoloy était indien. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La mariouche, elle était belle. Jack Monoloy était fringant. Tchac, tchac, tchac, tchac, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la mariouche est pour un blanc. Avait écrit au couteau de chasse le nom de sa belle sur les boulots. Un jour on a suivi leurs traces, on les a vus au bord de l'eau. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La mariouche elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Hey, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack. Disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la mariouche est pour un blanc. Jack Monoloy est à sa peine, la mariouche est au couvent. Et la rivière coule à peine un peu plus lentement qu'avant. Jack Monoloy et son âme, en plein soleil dimanche matin, en canot blanc du haut de la dame, il a sauté dans son destin. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La mariouche, elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack. Les perdrix et les sarcelles, Monoloy, disait le vent. La mariouche est pour un blanc. La mariouche est au village, Jack Monoloy est au fond de l'eau, à voir flotter dans les nuages, et les canaux et les billots. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots en mémoire, et leur écorce est toute noire, puis que Monoloy a sacré le camp. Tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. Disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la mariouche est pour un blanc. J'ai tué ma vache préférée pour te faire des bottes rien qu'à toi. Je sais pas si tu sais comment ça m'a coûté. Qu'est-ce que l'ambiance est un peu où ça n'a rien à voir, ça peut être aussi. Après, ça dépend. Parce qu'il y a quelques années, j'ai travaillé au Théâtre du Rond-Point pour une pièce qui avait été mise en scène par Daniel Mesbich. Et dedans, il y avait son fils, William Mesbich. Et j'y discutais beaucoup avec William et on parlait de théâtre et tout. Et puis, je trouve que c'est un acteur absolument admirable et tout. Et c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et donc il me disait justement, enfin on parlait de Ruy Blas et moi c'est de Victor Hugo et c'est ma pièce préférée et lui aussi, donc on a pas mal parlé de ça et il me disait c'est clair que là c'était la pièce qu'il jouait, c'était, ça s'appelait Du cristal à la fumée, ça parlait du nazisme, comment les nazis avaient décidé de la solution finale. Okay. Et c'est un truc, moi ça m'a donné vraiment une grande claque quand j'ai vu la pièce, parce que j'ai pu aller voir la pièce parce que j'avais pas de travail à faire pendant la pièce justement. Okay. J'avais du travail avant. L'avant-première, ça veut dire ? Non, j'ai pris la pièce en cours et puis c'était l'avant-dernière en fait que j'ai vue. Et c'était, enfin, je faisais des bons, quoi, tu vois, je veux dire, quand je suis sortie de la pièce, j'étais tellement bouleversée par ce que je venais de voir, je comprenais tellement pas mes réactions, que j'arrivais même pas à parler aux comédiens, quoi. Tu peux pas taper, enfin, j'ai pas pu... L'ambiance était quand même... Non, mais enfin, ouais, t'étais génial en Göring, quoi. C'est pas possible, et là, j'ai compris pourquoi ça m'avait bouleversée, c'était une question de mise en scène et tout ça, et c'était la première fois que je voyais vraiment ce qu'était une mise en scène. Parce que c'était, encore une fois, quand j'allais au théâtre, quand j'allais voir, je sais pas, notamment Laurent Terzièvre, que j'ai vu énormément. Qui est décédé il y a 2 ans. Arrête, je suis inconsolable. Là, on est passé rue de la Gaîté, mais j'ai pas pleuré tout à l'heure, t'as vu, mais c'est la dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était là-bas, quoi. Et non, je suis inconsolable. Je peux plus regarder. Je me rappelle Dreyfus 3 jours après sa mort, puis on... Dreyfus? Oui, Jean-Claude. Il est mort? Mais non, je parlais il y a 2 ans. Ah, d'accord. À Jean-Claude Dreyfus, 3 mois, ah. 3 jours après la mort. Il était inconsolable aussi. Ouais, ouais. Daniel Mesguich aussi, il était inconsolable ouais, il y a deux ans. Dreyfus a travaillé de loin, mais il connaissait donc le respect. Puis, Mais c'est un drame épouvantable. Tu sais qu'il m'a téléphoné un jour. OK. Voilà, enfin, bref. Non, vas-y. Est-ce que tu veux en parler ou c'est au privé? Bien sûr, bien sûr. En fait... Ce qui s'était passé, c'est que j'avais appris qu'il jouait justement à la Gaîté, une pièce qui s'appelait L'Habilleur. Oui, ben oui, l'incroyable. Le film, 81. As-tu vu le film? Oh. Ah, j'ai un ami qui me l'a donné. Oh. Ouais. En DVD? Ouais. Oh. Incroyable. Ouais, vachement bien. Et donc, du coup, j'ai envoyé, je savais qu'il était en répétition, j'ai envoyé une lettre, je lui ai envoyé une lettre, et c'est difficile de faire une... d'écrire une lettre à quelqu'un que l'on admire. Bah voilà, parce que à partir du moment où il te connaît pas, c'est très difficile de pas tomber dans de la flagornerie. Et voilà, enfin bref, du coup, j'ai écrit une lettre. 3 jours après, mon téléphone sonne. Bonjour, c'est Laurent Terzièvre. Je suis tombée du canapé parce que mes jambes ont disparu. Enfin, et j'ai dû hurler un truc genre quoi? Tu vois, j'étais morte de rire. En fait, il voulait m'inviter à une répétition. Comme je lui avais demandé si je pouvais venir voir une répétition. Je lui ai dit que je voulais faire la mise en scène. Ouais, et ben oui, en fait, j'ai assisté comme auditeur libre au cours de Daniel Mesguich au conservatoire. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. C'était une merveille. Il avait accepté. C'était un privilège incommensurable. Mm-hmm. Quoi. C'était... Voilà. Ah oui, non, je comprends. Du coup... Tu me dis ça pas de bon sens, je me sens vite, c'est effrayant. J'ai besoin d'elle maintenant pour meubler mon logement. Mais tu brailles encore cette vieille histoire d'amour. Tu veux que dans ton décor, elle revienne faire son tour. Mais rappelle-toi, y'a belle lurette, c'est toi qui l'avais larguée. En lui disant, fillette, faites-la, je veux respirer. Moi j'ai la nette impression que tu veux ce que t'as pu. Je sens seul mon garçon, maintenant tu n'as plus la main dessus. T'es comme lui qui a plaqué son chêne, lui qui a vendu sa chèvre. Maintenant qu'elle manque à ton appel, tu te rends compte que t'as besoin d'elle. Tu me dis ça pas de bon sens, je suis en panne sèche et effrayant. Dans quel monde vit-on, tout ce qui compte c'est le pognon. Tu me dis que pour tout plaisir, il faut péter sa tirelire. Et comme la tienne a le ventre creux, tu te plains que tu t'ennuies pour deux. Tu me dis que t'es riche pour un petit pain, mais contente donc de ça, c'est quand même bien mieux que rien. Car cette femme, si l'estomac, moi j'ai la nette impression que tu veux ce que t'as pas. Quand tu sèches chez tes voisins, puis t'es jaloux comme ça se peut pas. Fais donc comme Réalvé Benoît, qui est heureux avec ses 10 doigts. Contente-toi dans ton foin, puis pense si j'en avais moins. me sens pesant, c'est effrayant. Tout ce que je fais de ma peau, c'est la traînée sur mes os. Des jours j'ai l'impression que j'ai des enclumes à place des pieds. Et vu mes attributs physiques, j'ai point la force pour les porter. Écoute mon pauvre gars, écoute ton corps, presse pas le pas. Pourquoi courir après l'avoir si tu te brûles, rien qu'à le vouloir. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagnier, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social, Facebook, en tapant Reynald Gagnier ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si. Si je vous ai bien compris. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.